Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. En 40 ans, notre connaissance des sociétés celtes a vécu un total renouveau. Cette renaissance, nous la devons presque exclusivement à l'archéologie et à des fouilles, celles d'habitats, de nécropoles, d'exceptionnels sanctuaires, de villes aussi, les oppidas. Ce renouveau, nous le voyons aujourd'hui puisque Celtes et Gaulois intéressent la presse et questionnent les Français. Au cœur du quartier latin, dans la prestigieuse École normale supérieure de la rue d'Ulm, un laboratoire d'archéologie a largement pris part à cette aventure avec des recherches en France comme dans d'autres pays, notamment l'Italie. Pour découvrir 40 ans d'archéologie celte, comme percevoir cette société sous un jour nouveau, deux invités, Catherine Gruel, Olivier Bunchenschutz, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, Catherine Gruel, vous êtes l'incontournable spécialiste de la numismatique celtique. Olivier Bunchenschutz, désormais directeur de recherche émérite. Vous faites partie des grands pionniers qui ont lancé cette discipline à la sortie des années 1968. On se souvient par exemple de vos fouilles à Levroux. Mais revenons à notre sujet. Olivier Bunchenschutz, qui sont les Celtes, du moins pour l'archéologie? Alors pour l'archéologie, les Celtes sont des peuples qui se développent pendant une période qu'on appelle la proto-histoire, c'est-à-dire entre l'histoire et la préhistoire. Donc ils continuent les périodes qu'on désigne par leurs matériaux privilégiés, l'âge du bronze, puis l'âge du fer, ils sont dans l'âge du fer. Ils sont contemporains des Romains, donc on connaît un petit peu leur langue, mais il y a très peu de textes écrits. Par contre, les Romains et les Grecs ont beaucoup écrit sur eux, et par ce biais, parce que c'est des étrangers qui ont des a priori, on a tout de même une connaissance des populations celtiques ou celtophones, mais qui sont aujourd'hui largement contrôlées ou délimitées, si on peut dire, par l'archéologie. Les Celtes sont désignés de la sorte par les Grecs, c'est bien ça? Les Grecs du 5e siècle? Par les Grecs et par les Romains, ensuite, avec différentes variantes, Celtes, Gaulois, Galates en Turquie. César nous dit lui-même que ce sont les mêmes peuples. Catherine Gruel, je disais qui sont les Celtes, du moins pour l'archéologie. Est-ce que l'on peut parler d'une longue filiation de la proto-histoire jusqu'à aujourd'hui, par exemple, en Bretagne? J'ai souvenir d'une polémique cet été autour de ce sujet, où Alain Stivell intervenait donc. Oui, en effet, en tant que bretonne et étant membre de ce fameux comité de justement scientifique de cette exposition celtique qui avait été montée au musée de Bretagne, on a eu la surprise d'avoir une énorme réaction de la population qui était extrêmement choquée que l'on n'admette pas un espèce de continuum sans faille entre la proto-histoire celtique et le monde contemporain. Il est bien évident que, certes, la Bretagne est celtique, mais qu'elle l'est par des apports successifs qui viennent, en effet, d'abord des Gaulois, je dirais pré-romains, et aussi, mais aussi par le biais médiéval et par d'autres sources. Et ça a choqué un certain nombre de gens qui se sont sortis comme dépossédés de leurs origines. Et j'avoue qu'on a été un petit peu surprise de l'ampleur et de la violence, je dirais presque, de ces réactions par rapport à une exposition qui se voulait extrêmement scientifique et basée... Et consensuelle, exactement, qui interrogeait tous les éléments. Il y avait bien sûr donc Alain Stivell, il y avait bien sûr la population, mais aussi les politiques, j'imagine. Ah les politiques, oui. Alors c'est avec des problèmes qui nous ont fait un petit peu rire, parce qu'en effet, il y avait en particulier, je me rappelle, tout un excellent travail sur la Bretagne au Moyen-Âge, sauf que bien sûr, les limites de ce programme de recherche était limité à la Bretagne administrative contemporaine, et les politiques étaient très mécontents qu'on n'ait pas mis les Pays de la Loire. Mais voilà, c'est la réalité administrative contemporaine. Et là, il y avait tout un jeu dans ces aspects à la fois scientifiques, administratifs, politiques, qui faussaient un petit peu le sujet et qui ont donné, en effet, des réactions tout à fait intéressantes, mais très contradictoires. Olivier Bingenschütz, quelle est l'origine des Celtes ? Où voit-on pour la première fois émerger cette culture ? Alors, elle est en fait dans la continuité de toute une série de traditions. La différence avec ses prédécesseurs, donc notamment de l'âge du bronze, qui couvre en gros le deuxième millénaire avant notre ère, c'est que là, on a des textes. On a alors les premiers textes en celtique, ils remontent pas avant le 5e siècle pour les sources écrites, et les inscriptions locales, qui sont très peu nombreuses, et puis les textes grecs et romains, qui vont progressivement passer d'un monde presque mythique à des contacts plus directs, et notamment violents, au moment où les Celtes interviennent en Italie. Moi, j'ai tendance à dire que on peut délimiter pour les archéologues la culture celtique à une série de caractéristiques dans le funéraire, dans l'habitat, etc. Mais ce sont des éléments qui se recomposent comme dans un kaléidoscope quand vous le tournez, c'est-à-dire qu'on trouve des éléments communs à ces populations, mais la limite exacte des Celtes et des Germains, par exemple, à la fin de la période, est difficile, parce que d'abord ça bouge beaucoup, et puis les oppositions des linguistes ne sont pas aussi nettes sur le terrain que dans les connaissances scientifiques. Catherine Ingruel, je reprends le sujet. Qu'est-ce qui les distingue, ces Celtes, des autres groupes ? Bien entendu, la langue, mais un outillage, un armement, des modes de vie qui peuvent être réunis dans une sorte d'ensemble cohérent ? Oui, d'une part, et puis aussi des gens qui sont en contact aussi permanent avec ce monde méditerranéen. Et c'est peut-être justement l'intérêt de travailler aussi en Italie, où on a toute une série de peuples celtiques qui s'installent dans le courant du 5e, 4e siècle et qui sont en contact avec les Étrusques, qui occupent toutes les vallées des Alpes et qui sont entre Marseille et Rome et qui y ont toute leur place. Et c'est une troisième civilisation qui arrive du nord, on va dire, avec des éléments intéressants, parce que dès qu'il y a un conflit avec soit Rome, soit Marseille, et les Celtes d'Italie font appel à leur fratrie, ou je ne sais pas comment on peut dire ça, mais au moins à des cités celtiques qui sont au-delà des Alpes et qui viennent à la rescousse. Et tout ça, ça implique en effet, visiblement, à la fois quelque chose de très éclaté, mais en même temps, quelque chose qui a une certaine unité de... En réseau. Voilà, on va dire ça comme ça. Enfin, c'était peut-être un petit peu poussé en allant d'aller jusque-là, mais il y a des liens réels. On va reparler de toute manière des Gaulois de Cisalpine, parce que c'est un très beau sujet. Trois grandes étapes peuvent être distinguées sur les 700 ans, 750 ans même d'histoire celtique. Tout d'abord, une société dominée par des princes, Olivier Bingenschütz. Oui, alors on dit des princes, mais on n'a aucun texte nous donnant ce nom-là. En Allemagne, on les appelle plutôt comtes, d'ailleurs, first. Mais en fait, on est une société très hiérarchisée. Et ce qui nous en reste, ce qui est le plus spectaculaire, ce sont des tombes extrêmement riches, qu'on ne reverra pas après, avec des accumulations à la fois d'importations grecques et romaines, et également de fabrications locales assez extraordinaires. Alors, on connaît en France le vase de Vix, une importation grecque, c'est le plus grand vase grec en bronze connu. Mais à côté, il y a des vases locaux en bronze qui sont aussi tout à fait exceptionnels. Ou bien, comme à Ohrdorf, c'est ce sofa sur lequel est présenté le mort, et toute une série d'objets de ce genre, le char aussi, avec des problèmes techniques qu'on ne voit pas tout de suite, mais on se rend compte que leur travail du fer, dès cette époque, alors que le fer vient d'arriver en quelque sorte, est extrêmement fin, et on a une perfection du travail du fer qui évoque déjà celle qu'il va y avoir plus tard au Moyen-Âge. Donc on voit dans cette maîtrise de l'artisanat une des originalités des Celtes, par exemple. Et puis, il faut bien sûr citer la fameuse tombe du prince de Lavaux, découverte donc en 2015. Les résidences sont alors aussi très puissantes. C'est le cas, par exemple, de la Heuneburg, avec son fameux rempart en terre crue, peut-être inspiré déjà du monde grec. Le rempart est tout à fait inspiré du monde grec, puisque la taille des briques est exactement celle qu'on trouve en Italie du Sud. Donc ce sont des Grecs qui sont venus. Voilà, il y a certainement un ingénieur grec qui les a aidés à construire ce rempart, qui a d'ailleurs été précédé par des remparts traditionnels locaux en terre et en bois, et ensuite on a repris les remparts en terre et en bois. Mais il faut préciser que ces fortifications, ces sites, ces agglomérations très riches, entourées d'artisans, elles sont sur un axe d'échange entre la vallée du Rhône et la vallée du Danube, et ça rappelle la légende grecque de jason, qui plus ou moins, bon, on n'a pas de localisation, mais qui devaient correspondre aux courants commerciaux qui ont été privilégiés pour ces installations princières. Alors je citais donc la Neuburg, mais il y a beaucoup d'agglomérations de la sorte aussi en France, par exemple Bourges, Lyon, Vix, Dijon, Bordeaux, Vix, le Mont-la-Soie a été fouillé encore récemment avec des monuments tout à fait imposants. Alors le Mont-la-Soie est une résidence un peu comme la Neuburg, avec un site central perché, une fortification tout autour, mais actuellement on est en train de découvrir au pied du Mont-la-Soie, à côté de la tombe de Vix, toute une série d'autres installations, peut-être un port même aménagé sur la Seine, puisque la Seine coule au pied du Mont-la-Soie. Alors les cas de Bourges et de Lyon sont un peu différents. Là on a les quartiers artisanaux qui sont moins nets à Vix et à la Neuburg, mais là à Bourges ils couvrent des dizaines d'hectares, à Lyon également, au nord de Lyon, et là on se rend compte que il y a une les artisans sont au pied de ces fortifications et jouent un rôle au moins aussi important que l'espèce de château du seigneur qui est au-dessus. Entre 450 et 300 avant notre ère, un nouveau système se met en place avec une aristocratie moins riche mais plus nombreuse. C'est aussi un moment de puissance pour les Celtes avec une vaste expansion territoriale de la Bretagne à la Turquie, Catherine Gruel. Oui, c'est la période où on assiste à des migrations successives, probablement dues justement à une expansion et à une qualité démographique due au fait justement qu'ils ont des moyens agricoles qui leur permettent de cultiver dans de meilleures conditions. Ils ont des charrues en fer qui permettent d'aller plus profondément, donc obligatoirement d'avoir plus de nourriture, donc ce qui implique bien évidemment des gens en bonne santé. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous donnent par exemple certains sites sanctuaires ou qui nous montrent la présence de guerriers en très bon état de santé. C'est un peu lié aussi à ces expansions de population qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs sous forme de razzia, mais qui peuvent aussi être tout simplement des gens qui demandent l'autorisation de venir s'installer. Donc il y a des migrations sous toutes leurs formes durant ces périodes. On se souvient bien sûr très tardivement de la migration des Helvètes, les fameuses Helvètes qui ont donc traversé la Gaule pour aller en Saintonge et arrêtées bien sûr par les Éduins et César. Le groupe semble se diviser, le système, et avec beaucoup de il y a trop de population chez les Helvètes, ils vont se scinder en plusieurs groupes et un groupe part. C'est comme ça qu'on crée des expansions celtiques. Alors la légende rapportée par les auteurs latins, c'est que un roi celtique a envoyé ses neveux Bellovès et Ségovès l'un vers l'est ou vers le sud. Non pas parce qu'il était pauvre, mais au contraire parce qu'il était trop riche, qu'il y avait trop de population et qu'il fallait absolument les exporter. Et une fois qu'ils arrivent en Italie, comme l'a souligné Catherine, c'est pas des hordes barbares parce qu'en fait il y a des accords et les combats entre les Romains et les Celtes, c'est pas une horde barbare parce qu'il y a des contrats qui n'ont pas été tenus, des accords qui n'ont pas été respectés et c'est pour ça que ça finit par une lutte. En Turquie, les Gaulois, ce sont les Galates. Qu'en sait-on ? Alors là, on a aussi des textes grecs et on voit que souvent les rois galates, pour se battre entre eux, vont appeler des mercenaires celtiques. Mais ces mercenaires celtiques, dans un certain nombre de cas qui sont attestés par les textes, quand le combat est fini, demandent des terres. Et c'est là où ça commence à coincer, si je puis dire, parce que les princes grecs de Turquie ne sont pas toujours d'accord pour avoir ces colonies qui s'installent chez eux. Mais archéologiquement, sur les Galates, on a assez peu de choses, en fait. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Au cours du IVe siècle avant notre ère, les Celtes franchissent les Alpes et pénètrent jusqu'au cœur de l'Italie du Nord. Vers 400 avant notre ère, par exemple, ils s'installent dans la région de Bologne, au sud du Pô, et prennent le nom de Boyens. Oui, donc c'est une période, en effet, où justement ils s'installent dans toute cette zone de cisalpine. Et on en a quelques témoignages, en particulier par de très belles nécropoles à Montebibele, à Bologne. Et on s'aperçoit en effet que c'est toute la culture celtique qui s'installe dans cette région. Et on voit aussi, et ça c'est intéressant maintenant, grâce aux techniques d'analyse, qu'on peut voir en effet que certains Celtes, armés avec l'armement que l'on qualifie de celtique, de fait, ils sont nés là. Parce que le strontium qu'ils ont dans les dents, qui permet de définir où ils étaient dans leur jeunesse, sont les mêmes que ceux qu'ils ont dans les os du moment de leur mort. Donc en gros, on sait qu'ils n'ont pas bougé. Donc ils sont là depuis longtemps, ils sont adaptés, quoi. D'ailleurs, Pline l'Ancien, Strabon, évoque et même énumère toutes ces populations celtiques dans le nord de l'Italie, Olivier Bjenchitz. Oui, tout à fait. Là, on a des textes assez précis. Quelquefois, on est énervé parce que Strabon, notamment, dit à un moment « Bon, je vais arrêter parce que ça va ennuyer le lecteur. » On regrette qu'il n'ait pas été plus loin. Et alors ensuite, il y a tout un tas de discussions pour localiser exactement ces peuples. C'est moins sensible en Italie qu'en France, mais en France aussi, on veut absolument retrouver les Bituriges, les Boyens, etc., dans tel ou tel département ou province, parce qu'effectivement, dès le Moyen-Âge, les installations religieuses ont un petit peu calqué les cités gauloises. Évoquons donc un ou deux sites italiens, avec donc du mobilier et de la population celtique. Peut-être le premier, Casalecchio di Reno. Vecchio. Oui. Un site fouillé par l'École normale supérieure il y a déjà bien longtemps, par Christian Père. Oui, c'est Christian Père qui avait fouillé ce site d'habitat. Il y a bien 50 ans maintenant. Oui. Et c'était intéressant parce que la richesse de l'Italie fait que ces sites d'habitat sont assez peu fouillés finalement. Et on manque vraiment pour l'Italie du Nord de précision sur ces sites en dehors justement des nécropoles, etc. C'est vrai que quand vous avez une région où vous êtes, il y a à la fois des Étrusques, des Italiques, donc à la fois les Cénomans, les Cimbres, les Boyens. Donc on a vu toute une série de peuples divers. Et on voit en effet qu'on a peu d'éléments sur l'habitat et c'était l'intérêt justement de cette fouille. La nécropole de Montebibele est aussi très importante puisque les pratiques funéraires y semblent extrêmement variées. Oui, alors là c'est toute une vallée qui a été fouillée par nos collègues et on a découvert d'une part alors un habitat qui n'avait pas été, comme l'a expliqué Catherine, exploré jusque-là et des tombes très riches. Et la caractéristique de ces tombes notamment, c'est qu'on a des personnages qui ont à la fois des éléments celtiques, notamment les armes, mais aussi des éléments locaux. Et donc on a bien une fusion entre les populations locales et les Celtes. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les Celtes, à cette époque, ne se sont pas du tout intéressés aux villes étrusques ou aux premières villes romaines. C'était pas leur truc dans cette période du 4e, 3e siècle. Ils vivaient tous à la campagne. On avait abandonné les fortifications princières du premier âge du fer, des périodes anciennes du 5e, 6e siècle, et on n'était pas encore au phénomène des grandes fortifications du 2e et 1er siècle avant notre ère. Donc, c'était une culture totalement paysanne, ce qui signifiait pas qu'il n'y avait pas des nobles, mais ils étaient installés à la campagne. Moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est cette coexistence au sein donc de la population avec des groupes multiculturels que l'on vient, on voit bien au travers des tombes d'ailleurs, avec par exemple des thèmes du combat pour les Celtes et puis des thèmes de banquet pour les Étrusques, c'est bien ça? Oui, c'est ce que montrent en effet, en particulier justement ces nécropoles, avec à la fois des éléments qui sont purement étrusque et associé avec des éléments qui sont d'alarmement, etc., purement celtique. Parlons art, Catherine Gruel. Les deux tombes à char de Roissy, que j'ai eu la chance de voir, ont révélé un exceptionnel objet du 3e siècle avant notre ère, un grand disque en bronze, un bon exemple de cet art de cette période gauloise. Oui, parce qu'il est, c'est en effet un objet absolument magnifique sur lequel on continue d'ailleurs à travailler beaucoup et à retravailler, puisque maintenant, grâce aux techniques que nous pouvons développer avec le 3D, etc., on s'aperçoit qu'il y a derrière tous ces aspects à la fois zoomorphes et autres, une technique et une maîtrise de la technicité justement de cet art du repoussé sur les plaques en bronze qui est absolument magnifique. Alors le bestiaire est assez extraordinaire. Oui. La pièce est bien sûr visible au Musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye. On peut y voir donc des sortes d'animaux, de décors zoomorphes, des monstres serpentiformes. À la fois et en même temps une capacité justement de passer du zoomorphe au géométrique qui fait toute la richesse de l'art celtique qui aura été la base, je dirais, presque de l'inspiration de nos artistes modernes, que je pense en effet aux symbolistes et évidemment Picasso et Breton qui se sont beaucoup inspirés de cet art celtique. Et puisque vous parlez de Breton, l'art s'exprime aussi dans la numismatique. Ces monnaies ont d'ailleurs très intéressé les premiers surréalistes. Oui, bien sûr, c'est eux qui ont vu toute la qualité de cet art, contrairement à certains. Je me rappellerai toujours d'une anecdote d'un conservateur du musée, du British Museum qui m'avait demandé « Mais pourquoi tu t'intéresses à ces monnaies aussi moches que sont les potins gaulois, qui sont des monnaies en effet coulées, qui n'ont pas un aspect extraordinaire, alors qu'il y a de si belles monnaies romaines et si belles monnaies grecques. » C'était tout vous dire. Et là, en effet, on est en totale opposition entre l'art le classicisme. Vraiment dans la numismatique celtique. Oui, bien sûr. Et puis en plus, c'est un art qui est multiforme, c'est-à-dire qu'on peut le lire à la fois sur les reliefs, mais aussi sur les creux. Et donc, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Et en plus, l'artiste celte déteste le vide. Donc, il y a toujours X façons de regarder un objet. On parlait tout à l'heure de ce bouclier. En effet, vous le tournez dans un sens ou dans l'autre, vous ne voyez pas la même chose. Et pour les monnaies, c'est pareil. L'artiste celte a horreur du vide, je dirais. Donc, voilà. Et il transforme complètement les formes et les images. Est-ce que la signification de cet art est à rechercher, par exemple, dans un système religieux ? Oui, probablement. Mais enfin, c'est toujours extrêmement difficile à dire. Je dirais que c'est vrai pour certains. Le problème, en particulier de la monnaie, c'est justement que c'est une adaptation des prototypes méditerranéens revu et corrigé par des gens qui n'ont pas du tout la même vision du monde derrière. Donc c'est plutôt la vision du monde, je dirais, plus que le religieux. Olivier Binchenschutz, vers 120 avant notre ère, de très rares vases peints arvernes possèdent d'exceptionnels décors zoomorphes, notamment des serres absolument formidables. Oui, alors c'est presque pour cette technique très particulière de vase peint qui suppose déjà qu'on a cuit le vase à très haute température, ce qui n'était pas trop le cas dans les périodes précédentes. Et là, les peintres se sont mis à délirer, c'est vraiment ça. Moi, j'appelle ça des vases psychédéliques parce que d'abord, il n'y a plus aucune trace de fond sur le vase. Les motifs envahissent l'ensemble de la surface et ces motifs sont constitués d'animaux fantastiques qui commencent avec quatre pattes, une tête, mais qui finissent avec des queues, des ailes, tout ce qu'on peut imaginer. Et entre ces animaux, il y a encore d'autres motifs. Donc on a vraiment un art absolument exubérant. Peut-être deux mots aussi sur les sanctuaires, puisque ce sont aussi des découvertes extrêmement récentes de l'archéologie, des sanctuaires souvent guerriers. Nous avons d'ailleurs évoqué il y a peu le sanctuaire de Saint-Just en Chaussée, mais il y a aussi Gournay-sur-Aronde ou Ribon-sur-Aronde, qui ont été d'ailleurs fouillés par votre laboratoire. Des grands sanctuaires, avec aussi cet étonnant site d'Assyromance, où l'on aurait des sortes de momies dans des caisses. Oui, on a donc en effet dans Assyromance, il y a tout ce phénomène des squelettes qui sont accroupis et je dirais tassés dans des boîtes en fait. Et on a aussi toute une série de choses extrêmement intéressantes dans ces différents sanctuaires qui font que on a en plus la chance d'avoir des sanctuaires qui sont pas nettoyés. Donc en gros, ils gardent tout est gardé. Et c'est d'une richesse absolument fantastique sur les offrandes qui peuvent être faites, sur tout reste dans le sanctuaire. Donc on retrouve tout. Et, tout sauf les têtes qui ont été décapitées. Sauf, oui, d'une part, et sauf les textes qui vont avec. C'est-à-dire on a les rituels. Posidonius, mais, malgré tout. Oui, on a les rituels, mais on n'a pas toujours le mythe qui est derrière, quoi. Au IIe siècle avant notre ère, les activités artisanales se développèrent. Désormais, on échange grâce à des monnaies et les villes, bien sûr les oppidas, vont émerger. Le Vrou, que vous avez longtemps fouillé, Olivier Binchenschutz, est un bon exemple de ces agglomérations artisanales. Tout à fait, oui. En fait, quand on est arrivé à Le Vrou en 1968, on a fouillé un oppidum, donc une ville fortifiée, mais on a découvert, c'est Robert Le Quémant qui, en fouillant les restes du théâtre, a trouvé un autre village dans la plaine de Champagne-Berrichonne, et là on s'est rendu compte qu'on avait une grosse agglomération, presque aussi grande que l'oppidum, sur une dizaine d'hectares, et là on avait un artisanat concentré, et avec des artisans avec un travail du fer très élaboré, mais également des importations, et cette fois-ci massives, notamment des amphores romaines, puisque le vin arrivait jusqu'à Le Vrou, et on a trouvé, sur le Rhône et sur le et près de Toulouse, on a trouvé des milliers d'amphores, des millions d'amphores plutôt dans le fleuve, bien, jusqu'à Le Vrou, on avait ce commerce lourd, en quelque sorte, qui se développait. Et donc on a, avec ce commerce lourd, avec la monétarisation, qui permet des échanges à plus longue distance, et puis puis l'artisanat du fer, qui en Berry est très important, comme dans d'autres régions. On avait vraiment des agglomérations très importantes qui vont être suivies, j'irai 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, suivant les régions, par la même chose, mais sur des sites de hauteur. Donc on reprend les sites de hauteur fortifiés qu'on connaissait déjà au premier âge du fer, qui étaient transformés quelquefois en sanctuaires, notamment en Europe centrale, dans la période du 4e, 3e, et qui là sont devenus de véritables villes, puisque les artisans vont être attirés par les nobles, sans doute, dans ces agglomérations fortifiées, et on voit apparaître les premières véritables villes de la Gaule dans ces, ce que vous avez dénommé, les oppidas. Hein, c'était le terme qu'employait César, encore que quelquefois, dans le livre 7 de la guerre des Gaules, il parle de urbs, donc de véritables villes, mais ça, c'est parce qu'il veut obtenir un triomphe à Rome. Notre vision a longtemps été évolutionniste. Pour les Celtes, il nous faut accepter une société qui, face aux Grecs ou à Rome, n'a pas privilégié l'écriture, l'urbanisation et même peut-être refusé l'État. Oui, enfin, j'aime pas trop ce terme parce que c'est comme si l'État était obligatoirement une phase de l'évolution de l'humanité. J'ai lu un livre américain récemment où on nous expliquait que il y a que les chasseurs-cueilleurs qui étaient une bonne équilibre de vie, tout le reste c'était du flan. Donc ils n'ont pas refusé l'État, c'était pas leur problème. Hein. En fait, ils ont, d'une part, alors ils ont plutôt, je dirais, refusé l'urbanisation. Si encore on peut parler pour ces sites du premier âge du fer d'urbanisation, c'est une urbanisation très étroite de l'élite de la société. Ensuite, ils se sont installés dans la campagne, où ils avaient des tribus, des chefs, des sous-chefs, etc. Et l'État n'est intervenu qu'à l'époque de la conquête romaine, mais c'était pas... Enfin, on n'a aucune trace d'un objectif d'urbanisation dans le monde celtique avant l'influence romaine et grecque. Dans votre base de données informatisée, vous avez regroupé 15 000 sites de l'âge du fer. Leur densité, dans l'état actuel de nos connaissances, serait donc d'un habitat tous les 10 km carrés. Catherine Gruel, les Gaulois n'habitaient donc pas au fond des bois ? Certes non, ils n'habitaient pas au fond des bois, mais en revanche, ils avaient ils vivaient à la campagne pour une bonne part. Et il faut bien imaginer que le territoire de la Gaule était absolument aussi densément occupé à l'époque gauloise qu'il n'était à l'époque romaine. Même depuis qu'on a continué à progresser sur cette base de données qui est libre d'accès sur Internet, et on voit en effet. Très bien que maintenant, grâce aussi à l'archéologie sauvetage qui nous a montré sur des transepts que peuvent être les autoroutes par exemple, la fréquence de ces sites qui sont presque 1 tous les 5 kilomètres. Ce que vous avez fait au travers de fouilles, Olivier Buchenschutz, Catherine Gruel, c'est bien entendu reconstituer une histoire dont la chronologie peut être désormais écrite à 10 ans près. Que donne la confrontation des sources textuelles antiques aux réalités archéologiques, Olivier Buchenschutz ? Alors on pourrait poser la question pour d'autres périodes de l'histoire, c'est-à-dire que les textes ont toujours d'abord une volonté littéraire, ensuite une volonté de propagande. J'évoquais César avec le vocabulaire qui change dans le livre 7 de la guerre des Gaules pour obtenir un triomphe à Rome. En plus, les deux ne se superposent pas. L'archéologie, c'est tout même la vie quotidienne, les traces matérielles des gens, donc c'est assez objectif en quelque sorte. Les textes que nous donnent les historiens ou les littérateurs de l'Antiquité, c'est la vision de la superstructure sociale, mais c'est une vision qui est déformée. Donc on apprend aujourd'hui, en confrontant ces deux sources, en utilisant aussi l'analyse statistique informatique des textes grecs et latins, on arrive à voir un petit peu quels étaient les objectifs cachés de ces textes et comment on peut les critiquer et les préciser. Catherine Gruel, Olivier Buchenschutz, merci beaucoup. Je signale que vient de paraître sous votre direction un ouvrage, Réinventer les Celtes, aux éditions Hermann, et qu'une exposition virtuelle sous l'égide de l'École Normale Supérieure et l'EPHE est accessible sur le web, mais aussi sur le campus Condorcet en réel jusqu'au 6 avril. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jean-Benoît Tétu et bien sûr avec le concours de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr.